Chapitre 2. Jean suivait les cours d'anatomie. Il avait accepté de faire sa médecine parce que cet état ne lui déplaisait point, entrevoyant une vie de loisirs et d'occupations intelligentes. Il aurait refusé de passer ses jours derrière un comptoir ou de se livrer à un travail manuel. Mais le médecin est un monsieur dans une petite ville. L'artiste, le littérateur et le savant lui paraissaient les seuls hommes dignes d'intérêt dans la société. Le médecin est un savant. Il s'était dit que la médecine ne prendrait pas tout son temps. Rien ne l'empêcherait de continuer ses études littéraires, ni surtout de se livrer aux muses. Jean avait arrêté déjà, en pensée, l'installation de la maison qu'il habiterait. Un petit hôtel avec perron et quatre fenêtres de façade. Au milieu, une porte donnant sur un couloir. À droite serait l'habitation du médecin, à gauche celle du poète. Le cabinet de consultation serait tendu d'étoffe vert sombre. Un grand bureau dans un coin, un fauteuil, deux chaises et un canapé large et bas formeraient l'ameublement. Le long des murs, tout autour, seraient placés des rayons chargés de volumes scientifiques, avec reliures à bon marché, dos en toile noire et lettres en or. L'aspect en serait simple, imposant, sévère et de bon goût. Quant au cabinet du poète, il y songeait avec amour. Oh, le délicieux réduit! Aux fenêtres, des vitraux de couleur vive, avec lamelles de plomb, des portières taillées dans une tapisserie ancienne, le plafond peint en bleu, chargé de fleurs de lys, les murs tendus d'étoffes rouges, quelques tableaux copiés de l'école espagnole, des armures et des panoplies, la Vénus de Milo, une grande table Louis XIII, un fauteuil en chêne de même style, des divans couverts d'étoffes d'Orient, des brûle-parfums, un râtelier de pipes sur le parquet, on étendrait des nattes du Japon. Enfin, dans un coin serait dressée une vieille armoire normande, haute de 2 mètres, dont il percerait à jour les panneaux, remplacée par une glace sans teint, à travers laquelle on pourrait voir une belle collection de romantiques, première édition de chez Randuel, tous les volumes reliés en maroquin bleu, avec coins et ferrures à ses initiales et tranches coloriées en rouge. L'homme double qu'il était serait confortablement installé. Puis, précaution symbolique, la salle à manger qui se trouverait au fond du couloir aurait entré également sur le cabinet du médecin et celui du poète. Et sa vie serait charmante. Le matin, les visites aux malades, lecture des journaux de médecine pour se tenir au courant des découvertes nouvelles, puis la consultation, toute la prose de sa vie. De là, il passerait dans la salle à manger pour déjeuner. Au moment de prendre le café, il entrerait dans le cabinet du poète pour s'étendre sur le divan, fumer, boire quelques liqueurs, rêver en lisant ses chers volumes, toute la poésie de son existence. Jean avait pris ce parti pour une bonne raison. Le père Picot n'était pas riche, 1 000 000 francs de rente, tout au plus. Mais quand mourrait l'oncle Régalard, la fortune s'augmenterait de 3 000 francs de rente et de la jouissance de la maison ferme du Billot. Alors seulement Jean pourrait vivre selon ses anciens rêves. Mais il ne songeait que rarement à cette époque, que d'ailleurs il désirait lointaine. Jusqu'alors, il lui fallait bien travailler pour vivre. Les poètes, il le savait, d'après des lectures, gagnent peu d'argent, et son bon sens lui faisait comprendre que le riche seul peut entrer dans la société en chantant. Tout autre peut craindre la misère. Jean la redoutait, sans que pour cela il eût l'intention de maudire le sort sur sa naissance dans une famille peu fortunée. La médecine ne l'empêchait point de se livrer à la littérature. Elle lui assurait l'existence matérielle, et ses désirs mal définis de célébrité n'étaient point contrariés par cette dualité de vie. Le Dante, se disait-il, était apothicaire, et Rabelais fut médecin.